sur cette route de campagne. Je réduis mon allure. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dois m'arrêter le premier. Oui. Réponse C. Non. Réponse D.